Le blé en herbe. Les prix ont doublé un peu partout. Ils sont venus, ils sont tous là, les vacanciers. Enfin presque. Le mois de juillet est à peine commencé. Le débarquement du mois d'août sera plus important, disent les autochtones, avec une grimace de mépris. Faustine et Pascal se retrouvent presque tous les jours. Vélo et natation sont au programme. Cette dernière, dans la mer, ou plus rarement dans la piscine de Pascal, nettement moins sympathique, malgré l'absence de goutron. Les deux adolescentes passent des heures dans l'eau et sur la plage. Elles sont déjà dorées. À quoi servirait de vivre sur la côte si on n'est pas bronzé avant les parigots? Elles suivent des yeux avec envie le marchand de glace et d'amandes grillées qui passe avec son chargement. Elles ont beau user de leur charme, il ne leur accorde aucun cadeau. Tant pis. En se séchant, après la baignade, elles se comparent aux autres nanas. Elles ne prennent pas grand risque à leur âge. L'exercice narcissique est tout bénef. Elles en profitent bien. Surtout, hier, elles ont sauvé une vie. En dénigrant une jeune fille, au père, obnubilée par un dragueur au point d'en négliger le petit garçon qu'elle était censée surveiller, elles ont surpris celui-ci en très mauvaise posture. À deux doigts d'être emportés par un rouleau, ils buvaient déjà la tasse. D'un seul mouvement, Pascal et Faustine se sont précipités et ont arraché l'enfant à la mer avant le désastre. Ensuite, Pascal, la plus audacieuse des deux, a vertement engueulé l'irresponsable. Puis elles sont parties, outrées, criant au scandale et laissant la coupable abasourdie, cuver sa honte. Elles vont avoir du blé à moudre pour quelques jours. Fin juillet, Pascal part en vacances. Elle a de la famille dans le Nord. Elle y séjournera tout le mois d'août. À la rentrée, ses parents l'ont inscrite dans une école privée. Les deux filles ne se reverront plus. De son côté, maman doit vraiment travailler avec papa cet été. Elle n'a pas le temps de s'occuper des enfants. Alors, elle casse Stéphane dans un centre aéré et inscrit Faustine au camp de CRS. Moyennant une somme dérisoire, les gars musclés de la compagnie républicaine de sécurité propose des activités de loisirs destinées aux jeunes de 12 à 16 ans, en bord de mer. Ils peuvent jouer au ping-pong, nager, bien sûr, mais aussi apprendre à barrer un voilier, s'essayer au ski nautique, voire passer le permis zodiac. L'offre ne manque pas. Les amateurs non plus. Faustine y passe toutes ses journées, et pour cause. Elles sont deux, jolies filles, à se partager une bonne douzaine de chevaliers servants. Leur grande passion, c'est le ping-pong à quatre. Les filles accumulent les victoires. Elles sont si affriolantes dans leur bikini en vichy rouge que leurs adversaires ne savent plus où donner de la raquette. Le ski nautique, c'est plus dur par contre. Faustine s'est laissée convaincre d'en faire, mais au troisième échec dans sa tentative de sortir de l'eau, elle a abandonné. Pas assez de jus dans les biscottos. Ça lui coûtera une semaine de courbatures. Faustine a aussi expérimenté la voile. Quelle aventure fabuleuse! Le vent, le silence, la vitesse, le fascinement des voiles, tout lui plaît. Le skipper lui a laissé tenir la barre 5 minutes. Il l'a reprise avant de recevoir un coup de baume. Un garçon l'a défié de sauter dans la mer depuis le pont. Réagissant au quart de tour, chiche! Elle a plongé juste derrière lui. Il vit s'éloigner le bateau à toute vitesse. Mamma mia, ils étaient si loin de la plage. L'inconsciente a vraiment eu la trouille de sa vie et cru qu'elle allait y passer. L'immensité sous ses jambes était terrifiante. Un gouffre noir habité par des quantités de créatures invisibles. Déjà, elle avait l'impression qu'on la frôlait. Un dauphin? Un requin? Jamais Faustine n'avait pris à ce point conscience de sa vulnérabilité. Heureusement, le skipper a eu pitié. Il a fait demi-tour. Ça ne l'a pas dégoûté de la mer, ni empêché de passer son permis zodiac dans la foulée. Si on considère que ce dernier est mérité juste en tenant un gouvernail 5 minutes et en tournant en rond face à deux éphèbes aux allures de shérif en maillot. L'étoile en moins, les poils en plus. En France, pays principalement catholique, le 15 août, jour de l'Assomption, est férié. En conséquence, les cinémas sont ouverts l'après-midi. À l'occasion de l'anniversaire de ses 15 ans, maman a proposé à Faustine d'aller voir MASH, le dernier film de Robert Altman. Comme cette dernière a demandé innocemment si elle allait aussi, en plus, avoir une vraie fête, après le film, avec gâteau et bougies, maman s'est fâchée tout rouge. Elle a fulminé que Faustine n'était jamais contente, qu'elle en voulait toujours encore et encore plus, qu'il fallait invariablement qu'elle gâche tout. Maintenant, elle n'avait plus envie d'y aller. Faustine s'est excusée longuement. Finalement, elles sont sorties quand même. Ouf, elle a eu chaud. Elle n'a pas tout compris, d'autant que c'était en VO et sous-titré, mais elle a bien aimé, surtout Hot Lips et la musique. 2 semaines plus tard, c'est la rentrée en 3e. Devant le tableau de répartition des classes, Faustine aborde une élève solitaire, vraisemblablement dans la même section qu'elle. Bingo! Elle s'appelle Nicole, elle est anglaise. Vivant depuis quelques années en France, elle s'exprime déjà très correctement. Les deux adolescentes sympathisent. Cette année, les choses se compliquent un peu. Faustine doit changer de classe entre les cours et elle a peu de temps. C'est une habitude à prendre. Une fois les incontournables formalités remplies, fiches, matériel, littérature, un rythme de croisière s'instaure. 2 enseignants lui sont importants, celui d'histoire et celle de français. Faustine est très impressionnée par son professeur d'histoire. Un homme fascinant, passionné, à l'humour décapant. Il a commencé son cours en disant « Mettez-vous bien ça dans la tête. Votre liberté se termine là où commence celle des autres. » Subjuguée, Faustine s'en souviendra toute sa vie. Prof est aussi un grand admirateur de Napoléon, initiateur du code civil qu'il a écrit. Comprend Faustine parce qu'il ne dormait que 2 ou 3 heures par nuit. Rendez-vous compte. Et le prof sait si bien en parler que la jeune fille est séduite. Avant, elle préférait Louis XIV, le roi soleil. Mais après tout, on peut bien aimer les deux, non? Faustine admire ces grands hommes qui ont fait la France. D'ailleurs, un jour, elle sera française. Sa prof de français a un sacré tempérament. Elle ressemble à Bianca Castafiore. Avec beaucoup d'humour, elle transmet son goût de la lecture, de la syntaxe et de l'orthographe. Faustine se régale pendant ses cours. Elle apprend à saisir des notes, enregistrant très vite un maximum d'informations. Elle apprécie de plus en plus qu'on la vouvoie. Elle se sent devenir adulte. Sans avoir le même éclat, ses autres enseignants ne déplaisent pas à la jeune étudiante. Douée en langue, elle affectionne tout particulièrement l'anglais, mais grâce à ses nombreux mois passés en Suisse alémanique, elle se débrouille aussi pas mal en allemand. Elle aime bien la physique, la biologie et les sciences naturelles. Un jour, ils ont étudié une grenouille en cours. À la fin, le maître a demandé à un volontaire désireux de ramener la bestiole au laboratoire. Toujours en quête de reconnaissance, Faustine a levé la main avant qu'un autre le fasse. Résultat, elle s'est retrouvée dans les couloirs, le cœur au bord des lèvres, l'amphibien visqueux, très sautant dans ses mains. Mais où est ce fichu labo? Sinon, en classe, Faustine a affiné une technique anti-interro. Quand elle ne veut pas qu'on la remarque, elle sait se rendre invisible. Elle fixe un point droit devant et ne regarde surtout pas le prof. Ça fonctionne presque à tous les coups. Dans la rue aussi, elle passe inaperçue. Quant à la culture physique, elle a trouvé la parade. Franchement, devoir se mettre en petite tenue devant tout le monde, courir sur le bord de mer et recevoir les embruns salés sur les jambes nues, ça pique. Ou grimper à la corde, Faustine s'en passe volontiers. Alors elle profère des insolences jusqu'à ce que la prof lui donne 10 tours de piste à faire. Elle court se mettre à l'abri dans un coin tranquille et se dort la pilule au soleil le temps du cours. Dommage qu'elle ne puisse pas prendre un livre. Plus tard, essoufflée, elle rejoint les autres, tout simplement. À la maison, c'est un peu moins rose depuis quelque temps. Les parents sont bien sombres et dialoguent longuement à voix basse quand les enfants sont couchés. Parfois, le ton monte de son lit. Faustine entend et s'inquiète. Que se passe-t-il? Plusieurs jours s'écoulent dans une incertitude déprimante. Un soir, tard, la fillette est réveillée en sursaut. L'orage éclate. les cris s'amplifient, suivis par un choc sourd, puis après un silence de fin du monde, par un immense éclat de rire. Infiniment soulagée, Faustine applaudit depuis son lit en criant « Bravo !» Les rires s'arrêtent aussitôt. Maman vient, entr'ouvre la porte, crie à sa fille qu'elle est supposée dormir, c'est clair ? Faustine se le tient pour dit, mais se sent tellement coupable qu'elle a du mal à fermer l'œil. Le lendemain, ses parents la convoquent avant qu'elle parte à l'école. Maman, assise dans le fauteuil Voltaire, papa debout derrière elle, lui explique quel est son âge d'apprendre la discrétion, de ne pas se mêler de ce qui ne la regarde pas, qu'elle se mette bien dans la tête qu'elle n'est qu'une minuscule fourmi insignifiante sur cette planète. Compris ? Plusieurs semaines passent, le calme revient. Faustine se rassure peu à peu. Elle ne sait toujours rien de ce que ses parents traversent, mais au moins elle ne craint plus un divorce imminent. Enfin, un soir, papa explique. Il s'avère que leur fameux associé dans l'affaire Aurac 5 est un petit escroc pathétique. Lorsque les parents de Faustine lui ont demandé de mettre sa part sur la table, il s'est purement et simplement désisté. Il n'avait pas l'argent. Il pensait, naïvement ou pas, que ce ne serait pas nécessaire, que l'affaire rapporterait avant. Après avoir encaissé le choc, papa et maman l'ont planté là, ce minable, sans autre forme de procès. Ils ne sont pas du genre à investir au tribunal des fortunes qu'ils n'ont pas. De plus, le monsieur n'est pas solvable. Vous savez de quoi il vit ? Il vend des recettes contre l'éjaculation précoce, en échange de timbre-poste. Voilà, vous savez tout, dit papa avec un grand sourire. Heureusement, nous avons déjà trouvé la solution qui nous permettra de sortir de cette mauvaise passe.